Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Gaumet Dupré 1862. Question 6. De la nécessité de la confession. La confession est nécessaire au salut de tous ceux qui ont péché mortellement depuis le baptême. Le pape lui-même n'en pourrait pas dispenser quelqu'un. Est-on obligé de se confesser immédiatement après un péché mortel? 1. La confession est-elle nécessaire pour le salut? Boès disait, si vous attendez du médecin le soulagement de votre mal, il est nécessaire de le lui découvrir. La passion du Christ produit son efficacité par les sacrements de l'Église, à moins qu'on ne les reçoive, ou de fait, ou du moins d'intention, si la nécessité empêche de les recevoir réellement, aucun péché, soit actuel, soit originel, ne saurait être remis. Il suit de là que les sacrements institués pour la rémission des péchés qui ferment l'entrée du ciel sont de nécessité de salut, et tels sont le baptême et la pénitence. Or, de même que, en demandant le baptême, on se soumet au ministre de l'Église, à qui en appartient la dispensation, de même doit-on, pour recevoir le sacrement de pénitence en rémission de ses péchés, s'y soumettre par la confession, car s'il n'avait pas la connaissance des fautes commises, il ne pourrait pas y appliquer les remèdes convenables. Donc, pour quiconque est tombé dans quelque péché mortel depuis le baptême, la confession est de nécessité de salut. Note. On nous dira peut-être qu'on ne lit nulle part que saint Pierre, ou sainte Magdeleine, ou saint Paul, se soient confessés. Beaucoup de faits n'ont pas été écrits, mais, d'ailleurs, Jésus-Christ avait sur les sacrements un pouvoir d'excellence en vertu duquel il pouvait en produire l'effet sans le rite extérieur. Fin de la note. 2. La confession est-elle de droit naturel? Les sacrements sont de droit divin et non de droit naturel. La confession, dont la nécessité repose sur celle d'un sacrement, n'appartient pas au droit naturel, elle est de droit divin. Note. Il est de droit naturel de confesser ses péchés, non à l'homme, mais à Dieu. Adam fut blâmé d'avoir excusé sa faute, Caïn, d'avoir nié la sienne. Sous la loi de nature, il suffisait de se reconnaître coupable devant Dieu, au moyen d'un acte intérieur. La loi mosaïque exigeait que l'on fît une certaine déclaration de ses péchés, en se conformant à certains rites extérieurs, par exemple, en offrant des victimes. La loi nouvelle prescrit un aveu spécial et circonstancié. Fin de la note. 3. Tout homme, est-il obligé de se confesser? Tout homme, est obligé de se confesser. D'abord, le droit divin nous en fait un devoir, puisque la confession doit servir de remède à nos péchés. Ceux-là y sont strictement astreints qui sont tombés dans quelque péché mortel depuis leur baptême. L'Église, de son côté, nous prescrit la confession dans le décret du Concile de Latran, où il est dit que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, parvenu à l'âge de discrétion, confesse ses péchés, etc. Note. Il ne nous est pas possible d'éviter tous les péchés véniels, c'est pourquoi il y a toujours lieu, même pour les personnes qui n'ont pas péché mortellement, de recourir à la pénitence, et, par conséquent, à la confession. Ce n'est pas que nous soyons tenus, en raison même du sacrement, à confesser les péchés légers, mais l'Église peut très bien y obliger ceux qui n'ont pas d'autre faute à se reprocher, À moins que l'on ne dise avec quelques-uns que celui qui ne se sent coupable d'aucun péché mortel n'est pas pour cela obligé de confesser ses péchés véniels, et que, pour satisfaire aux préceptes de l'Église, il suffit qu'il se présente au prêtre pour lui déclarer qu'il n'a sur la conscience aucune faute grave. Fin de la note. 4. Est-il permis de confesser un péché qu'on n'a pas commis? Non, ce serait un mensonge. On se confesse pour faire connaître l'état de sa conscience, et, au lieu de le découvrir, on le cacherait. Une telle confession ne remplirait pas le but de l'institution divine. Note. Un juste craint toujours d'avoir vicié par quelque endroit le bien qu'il a fait, et c'est ce qui faisait dire à Job 9, 28, « Je redoutais toutes mes œuvres. Il est d'une bonne âme de manifester une telle crainte. Quand on ne sait si un péché est mortel, on est tenu de le confesser, tant que subsiste le doute, mais non d'affirmer qu'il soit mortel, on doit se contenter de dire que l'on en doute, et attendre le jugement du confesseur. » Fin de la note. 5. Est-on obligé de se confesser immédiatement après avoir péché? Dire que l'on commet un nouveau péché mortel si l'on ne confesse pas immédiatement celui dont on est coupable, ce serait multiplier les fautes mortelles à l'infini, cela ne paraît pas raisonnable. La résolution de se confesser étant liée à la contrition, on est obligé de la former du moment où l'on doit avoir la contrition d'un péché, c'est-à-dire lorsque les péchés se présentent à la mémoire. Surtout dans le danger de mort ou dans telle conjoncture qui en fera commettre un nouveau, si les premiers ne sont pas pardonnés. Un prêtre, par exemple, qui serait tenu de dire la messe, devrait se confesser auparavant du péché mortel qu'il aurait sur la conscience, et s'il ne le pouvait pas, faute de confesseur, il devrait au moins avoir la contrition et le ferme propos de se confesser à la première occasion. Quant à la confession réelle, on peut y être obligé de deux manières, premièrement par accident, quand on est tenu, comme nous le disions tout à l'heure, de remplir une obligation dont on ne peut s'acquitter sans commettre un nouveau péché, à moins de s'être confessé préalablement, dans le cas où on en a la commodité. Deuxièmement, par le précepte même, et, sous ce rapport, le délai de la confession peut, se semble, être assimilé à celui du baptême, que l'on n'est pas tellement tenu de recevoir au moment où l'on en a formé le propos que l'on doit encourir un péché mortel, si on ne le reçoit pas tout aussitôt. Puisqu'il n'y a pas même de temps déterminé au-delà duquel ce délai soit imputé à un péché mortel. La nécessité de la confession n'est pas plus pressante en elle-même que celle du baptême. Mais, comme il y a obligation d'accomplir, dans le cours de la vie, ce qui est de nécessité de salut, le précepte de la confession oblige par lui-même dans le danger de mort, comme celui du baptême. Aussi Saint Jacques recommande-t-il en même temps de se confesser et de recevoir l'extrême onction. On peut ainsi regarder comme fondée l'opinion de ceux qui disent que, malgré les périls du retard, il n'y a pas d'obligation stricte de se confesser aussitôt que l'on a péché. L'Église accorde le délai d'une année. Note. Il ne s'agit, dans cet article, que des cas où l'on encourt un nouveau péché mortel en retardant sa confession. Tout le monde comprend qu'un tel délai est toujours très dangereux pour le salut, à cause des surprises de la mort. Fin de la note. 6. Quelqu'un peut-il être dispensé de la confession? La pénitence, dont la confession fait partie, est nécessaire au salut, comme le baptême. Nul, conséquemment, n'en saurait être dispensé. Fondée sur la foi et sur les sacrements, l'Église ne saurait y rien changer, de même que le pape n'a pas le pouvoir de dispenser du baptême, il ne peut pas non plus exempter de la confession ceux qui se trouvent dans la nécessité de recourir au sacrement de pénitence. Il pourrait seulement les dispenser du précepte positif de l'Église, en leur permettant de différer leur confession annuelle au-delà du temps fixé par la loi ecclésiastique. Question 7. De la définition de la confession. Définition donnée par saint Augustin. La confession est un acte de la vertu de pénitence. 1. Saint Augustin a-t-il bien défini la confession? Voici la définition donnée par saint Augustin. La confession est ce qui, par l'espérance du pardon, fait sortir le mal recelé dans l'âme. Cette définition a cela de très bon qu'elle indique tout à la fois et la substance de l'acte de la confession, qui consiste à révéler ce qui est caché dans l'âme, et la matière de cet acte, le mal spirituel, et le motif de cet acte, l'espérance du pardon. D'autres, pour compléter la définition du saint docteur, ajoute avec raison que la confession est faite au prêtre en vue du sacrement de pénitence. Note. Le confesseur connaît quelquefois à l'avance les péchés du pénitent, mais, s'il les connaît comme homme, il les ignore comme ministre de Jésus-Christ avant la confession sacramentelle, et, de plus, les actes intérieurs qui ont présidé aux actes extérieurs doivent lui être découverts par l'aveu du pénitent. Fin de la note. 2. La confession est-elle un acte de vertu? La confession est une action méritoire qui nous ouvre le ciel, donc elle est un acte de vertu. Il suffit, pour qu'un acte soit appelé acte de vertu, qu'il rappelle par sa nature l'idée d'une vertu, telle est la confession. Elle ne renferme pas, sans doute, tout ce qui constitue la vertu, mais, comme on trouve en elle, ainsi que son nom même l'indique, la manifestation de ce qui est dans la conscience, et, partant, un accord entre la bouche de l'homme et son cœur, elle se rattache à la vertu de vérité. Note. Si la confession n'était pas un acte de vertu, elle ne serait point prescrite. Fin de la note. 3. La confession est-elle un acte de la vertu de pénitence? Bien que la confession soit un acte de la vertu de vérité, elle est aussi un acte de la vertu de pénitence, puisqu'on s'y propose la destruction du péché, que la pénitence a pour objet. Question 8. Du ministre de la confession. On doit se confesser à son propre prêtre, sauf dispense. Tout prêtre peut absoudre un pénitent à l'article de la mort, de la pénitence imposée. 1. Est-il nécessaire de se confesser à un prêtre? L'absolution sacramentelle, qui est le but de la confession, ne peut être donné que par les prêtres, à qui ont été confiées les clés de l'Église. Si la grâce des sacrements se répand du chef dans les membres, celui-là seul est le ministre des sacrements de la grâce qui a pouvoir sur le vrai corps du Christ. Tel est le prêtre, qui seul peut consacrer l'Eucharistie. Puisque la grâce est conférée dans le sacrement de pénitence, le prêtre seul en est le ministre, et c'est conséquemment à lui que doit se faire la confession sacramentelle. Note. Saint Jacques, il est vrai, a dit, 5, 16, confessez vos péchés les uns et aux autres. Mais ces paroles doivent s'entendre d'un avertissement donné aux fidèles de se confesser au prêtre, car Jésus-Christ avait réglé d'avance que la confession se ferait au prêtre, auquel, dans la personne des apôtres, Il avait conféré le pouvoir de remettre les péchés. Fin de la note. 2. Est-il permis, en certains cas, de se confesser à d'autres qu'à des prêtres? Le maître des sentences a enseigné qu'il est des cas où il est permis de se confesser à un laïc, à défaut de prêtre. Nous croyons avec lui que cela pourrait avoir lieu dans la nécessité. Note. Le vrai ministre du sacrement de pénitence serait alors suppléé par le souverain prêtre, qui est Jésus-Christ. Une telle confession, toutefois, ne serait sacramentelle que d'une certaine façon. Cette pratique, en vigueur du temps de saint Thomas, n'existe plus maintenant. L'Église n'en a jamais fait une loi. Fin de la note. 3. Peut-on, sans être prêtre, entendre, hors le cas de nécessité, la confession des péchés véniels? Note. Bède, cité par le maître des sentences, a dit « Découvrons à nos égaux les fautes journalières et légères, mais aux prêtres nos fautes plus graves, pour en être purifiés. » Ce conseil n'est peut-être pas sans utilité pour les communautés religieuses, où il est bon de faire connaître à ses supérieurs les fautes légères, surtout celles qui sont contre la règle du monastère. Fin de la note. Les péchés véniels n'exigent pas le recours à un sacrement pour être pardonnés. L'aveu que l'on en ferait, par un principe de charité, à un simple laïc, pourrait en obtenir la rémission, comme l'action de se frapper la poitrine ou de recevoir l'aspersion de l'eau bénite. 4. Est-il nécessaire de se confesser à son propre prêtre? Le décret d'Innocent III oblige tous les fidèles de l'un et de l'autre sexe à se confesser à leur propre prêtre, au moins une fois chaque année. Il est de l'essence du sacrement de pénitence que celui qui l'administre possède, outre la puissance d'ordre, la puissance de juridiction. De même qu'un laïc ne pourrait le conférer, ainsi en serait-il du prêtre qui n'aurait pas de juridiction. Il n'est donc pas moins nécessaire de se confesser à son propre prêtre qu'il ne l'est de se confesser à un prêtre. Et, en effet, le prêtre ne donnant point l'absolution sans imposer quelque obligation à remplir, celui-là seul peut absoudre un pénitent qui a le droit de l'obliger à faire une chose. Note. Le pénitent qui verrait un danger probable, soit pour lui-même, soit pour son propre prêtre, dans la confession qu'il doit faire, devrait s'adresser à un supérieur ou demander la permission de se confesser à un autre prêtre. S'il n'y était pas autorisé, il pourrait se conduire comme celui qui manque de confesseur. Ce serait péché que de se montrer difficile dans la permission de se confesser à d'autres qu'à soi. La conscience de beaucoup de fidèles est si faible qu'ils mourraient sans confession plutôt que de s'adresser à tel prêtre qui ne leur convient pas. Les curés qui tiennent trop à confesser leurs paroissiens tendent à plusieurs un filet de damnation, dans lequel ils s'engagent eux-mêmes. Fin de la note. 5. Peut-on, en vertu d'un privilège ou d'une permission, se confesser à d'autres qu'à son propre prêtre? Oui, l'évêque, comme pasteur principal, a le droit non seulement de confesser tous les fidèles de son diocèse, mais encore de se réserver l'absolution de certains cas, et de conférer la juridiction à d'autres qu'au propre prêtre. Note. C'est ce qui a lieu dans la plupart des diocèses de France, et notamment dans celui de Bayeux, où Monseigneur l'évêque autorise les curés et les vicaires à entendre les confessions de tous les fidèles qui se présentent à eux, et où, réciproquement, les fidèles ont la permission de s'adresser pour la confession à tout prêtre approuvé. Le curé, L'évêque et le pape, qui ont un pouvoir immédiat sur un même peuple, peuvent déléguer la juridiction qui leur appartient, mais de telle façon que le pénitencier du pape a une autorité supérieure à celle de l'évêque, et le pénitencier de l'évêque une autorité supérieure à celle du curé. Le pénitent qui s'est confessé au pénitencier de l'évêque n'est jamais obligé de répéter sa confession à son propre prêtre. Il peut se borner à lui confesser des péchés véniels, en déclarant qu'il ne se reproche aucun péché mortel, et le prêtre est obligé de s'en tenir à sa déclaration dans le fort de la conscience. Fin de la note. 6. Tout prêtre peut-il absoudre un pénitent à l'article de la mort? La nécessité autorise tous les prêtres à absoudre un pénitent à l'article de la mort et à le relever de toutes les excommunications qu'il a encourues, l'Église le veut ainsi. 7. La peine temporelle doit-elle être proportionnée à la grandeur du péché? Après le pardon du péché, on inflige une peine, comme paiement d'une dette et comme remède salutaire. Sous le premier rapport, la grandeur de la peine doit, en principe, répondre à celle de la faute, mais on peut considérer que plus la contrition a été grande, moins est considérable la dette qui reste à payer. La peine, sous le second rapport, ne se mesure pas toujours sur la faute commise. Elle peut être plus forte pour un péché moindre, tantôt parce que, tel péché offrant plus d'attrait que tel autre, on y résiste plus difficilement, tantôt parce que le scandale qui en est résulté est plus grand, et que la multitude doit en être détournée par la perspective de la peine. Note. Ceci s'applique principalement, ce semble, aux pénitences publiques et solennelles. Question 9. Des qualités de la confession. Il n'est pas nécessaire que la confession soit faite dans la charité, elle doit être entière. 16 qualités que lui assignent les théologiens. 1. La confession peut-elle être informe? Il n'est pas nécessaire que la confession soit faite dans la charité, elle peut être informe, comme parlent les théologiens, autrement, comme on n'est jamais certain d'avoir la charité, nul ne le serait de s'être réellement confessé. C'est pourquoi l'homme qui n'a pas la contrition peut découvrir ses péchés à un prêtre dépositaire des clés de l'Église, et, quoiqu'il ne recueille pas alors les fruits de l'absolution sacramentelle, il pourra, sans réitérer sa confession, être absous lorsqu'il aura changé ses dispositions et qu'il en aura accusé toute la perversité. 2. La confession doit-elle être entière? Il y aurait de l'hypocrisie à partager sa confession en la faisant à plusieurs prêtres. Les médecins du corps savent très bien que les maladies s'aggravent du moment qu'un mal différent vient s'y joindre, et que le traitement qui convient à l'une ne convient pas toujours à l'autre. Aussi ont-ils besoin de connaître non seulement l'infirmité qu'ils doivent traiter, mais l'état général de leur malade. Il en est ainsi des péchés, outre qu'ils s'aggravent par l'adjonction d'un autre, le remède qui conviendrait à quelques-uns pourrait être une amorce pour en commettre d'autres, l'homme étant sujet à des vices très opposés. Il est nécessaire, par conséquent, de confesser au même prêtre tous les péchés mortels que l'on a présents à la mémoire, autrement on ne ferait qu'un simulacre de confession. Note. Le prêtre tient la place de Dieu, il doit pouvoir juger jusqu'à quel point le pénitent est coupable. Un seul péché ne révèle pas suffisamment la malice de celui qui en a commis plusieurs. Quant aux péchés oubliés, il suffit de les accuser, sans répéter la confession faite à un autre prêtre, sous-entendu, dont on a reçu l'absolution. Fin de la note. 3. Peut-on se confesser par interprète ou par écrit? Considérée comme partie du sacrement de pénitence, la confession consiste dans un acte déterminé, car tous les sacrements ont une matière déterminée. Or, de même que, pour signifier la sanctification de l'âme, on se sert, dans le baptême, de l'élément le plus souvent employé pour la purification des corps, de même, dans le sacrement de pénitence, on doit, pour manifester sa conscience, user du moyen principal qui révèle la pensée humaine, c'est-à-dire de la parole elle-même. Les autres moyens ne sont que le supplément de celui-là. Note. Chacun n'étant tenu qu'à ce qu'il peut, si une personne, soit par mutisme, soit par ignorance d'une langue, ne peut faire usage de la parole, il lui suffira de se confesser par écrit, par signe ou par l'entremise d'une autre personne. Fin de la note. 4. Les 16 qualités assignées à la confession par les écoles lui sont-elles nécessaires? Les maîtres de la théologie veulent que la confession soit simple, humble, pure, fidèle, fréquente, ingénue, discrète, volontaire, modeste, entière, secrète, attendrie, prompte, courageuse, accusatrice, docile. Parmi ces conditions ou qualités, les unes sont essentielles à la confession, les autres sont simplement utiles. Comme acte de vertu en général, elle doit être discrète, c'est-à-dire faite avec intelligence, de manière que le pénitent attache plus d'importance aux péchés les plus considérables, volontaires et libres, comme tous les actes vertueux, purs, par l'intention que l'on s'y propose, courageuse, de telle sorte que la crainte ou la honte n'empêche pas de déclarer toute la vérité. Comme acte spécial de la vertu de pénitence, elle doit être modeste, accompagnée d'une certaine honte qui éloigne la vanité du siècle, attendrie, à raison du regret des péchés, humble, puisqu'il s'agit de s'avouer faible et misérable. Comme acte particulièrement propre à elle, elle doit être fidèle, vraie, ingénue, sans fard, sans ambiguïté, simple, expliquant seulement ce qui fait connaître la grandeur du péché, entière, n'omettant rien des choses qui doivent être déclarées. Comme partie du sacrement de pénitence, qui a le prêtre pour ministre, elle doit être accusatrice, de la part du pénitent, docile, à la voix du prêtre, secrète, par respect pour le tribunal où se confient les secrets de la conscience. Il est utile, enfin, qu'elle soit fréquente, à cause des grâces qui y sont attachées, promptes, exemple de délai. Question 10. Des effets de la confession. La confession délivre de la mort du péché, et contribue, surtout par sa réitération, à la diminution de la peine temporelle. Elle ouvre le paradis et nous donne l'espérance du salut. Un mot sur les péchés mortels oubliés. 1. La confession délivre-t-elle de la mort du péché? Par la confession, on se soumet au ministre de l'Église, dispensateur des sacrements. La contrition en suppose le vœu, et la mesure de la satisfaction y est déterminée selon le jugement du prêtre. La confession, en un mot, suivie de l'absolution, consomme principalement le sacrement de pénitence, où s'opère, comme dans le baptême, la rémission des péchés. C'est pourquoi on peut en raisonner comme du baptême lui-même, et dire qu'elle délivre de la mort du péché, non seulement les hommes qui se confessent réellement, mais même ceux qui se confessent de vœux, que, quand ces derniers accomplissent leurs désirs, ils reçoivent, comme les personnes déjà justifiées que l'on baptise, une augmentation de la grâce sanctifiante, et que, si la douleur conçue des auparavant n'avait pas suffi pour la contrition, ils recevraient néanmoins la rémission de leurs péchés, pourvu qu'en ce moment même ils ne missent point obstacle à la grâce. Il est donc permis d'enseigner que la confession délivre de la mort du péché. 2. La confession délivre-t-elle, sous certains rapports, de la peine du péché? Lorsque la confession est suivie de l'absolution, elle peut délivrer, à deux titres différents, de la peine due au péché, premièrement, par la force même de l'absolution. Sous ce rapport, le vœu seul que l'on en forme suffit pour décharger de la peine éternelle. Je dis de la peine éternelle, car le pénitent, après le péché pardonné, est encore sujet à une peine temporelle réparatrice et propre à l'exciter au bien, qu'il doit subir dans le purgatoire, mais que le pouvoir d'éclairant assez faible pour qu'il s'en acquitte ici-bas par la satisfaction. Secondement, la confession diminue la peine à subir en vertu de son acte même, qui n'est point sans causer une certaine honte, aussi plus on réitère l'accusation de ses péchés, plus la peine temporelle diminue. Note. La contrition jointe au désir de se confesser suffit pour délivrer de la peine éternelle, ainsi que du péché lui-même. Mais celui qui se sera confessé et aura reçu l'absolution sera moins puni dans le purgatoire que celui qui n'aura eu que la contrition sans le sacrement de pénitence. Fin de la note. 3. La confession ouvre-t-elle le paradis? Le paradis est fermé à l'homme par le péché et par la peine que le péché mérite. La confession, anéantissant ce double obstacle, nous en ouvre évidemment l'entrée. Note. On dira peut-être que ce n'est pas la confession qui ouvre le paradis, puisque celui qui meurt avant de s'être confessé peut cependant y entrer. On répondra que le paradis est fermé à tout homme qui a péché mortellement, jusqu'à ce qu'il ait la volonté de se confesser, et que, s'il lui est ensuite ouvert par la contrition, qui suppose le ferme propos de se confesser, la peine qu'il a méritée n'est pas totalement effacée, tant qu'il ne s'est pas confessé réellement et qu'il n'a pas satisfait. Fin de la note. 4. La confession donne-t-elle l'espérance du salut? La confession nous donne l'espérance du salut, non seulement à la façon de nos autres actes méritoires, mais surtout comme faisant partie d'un sacrement qui nous communique les mérites de la passion du Christ. 5. La confession générale suffit-elle pour effacer les péchés mortels oubliés? Il est écrit, « Approchez-vous de Dieu, éclairez-vous de sa lumière, et vous ne serez point confondus. » Psaume 33, 6. Celui qui confesse tous ses péchés comme il les connaît, s'approche de Dieu selon son pouvoir, il ne sera donc pas confondu. Quiconque, en effet, apporte tous ses soins à se confesser de chacun de ses péchés en particulier et qui s'accuse en termes généraux de ceux qui l'oublient, fait tout ce qui dépend de lui, on ne peut lui en demander davantage. Dans ce cas, la confession générale de ses péchés, faite au prêtre, en obtient la rémission, il lui reste seulement à subir, tant qu'il n'en a pas fait la confession spéciale, la confusion qu'il en éprouverait en les confessant. Note. Pour suppléer à ce qui a manqué à la confession sacramentelle, on est tenu, même après l'absolution reçue, de se confesser des péchés oubliés, lorsqu'ils reviennent à la mémoire, afin que le prêtre puisse imposer une pénitence, et qu'ainsi la rémission en soit plus complète. Il est bon de ne pas oublier que, dans toutes ces questions, Le mot péché désigne le péché mortel. Question 11. Du sceau de la confession. Stricte obligation du sceau de la confession. Son étendue quant au péché et aux personnes. De la permission donnée par le pénitent. De la connaissance extérieure que l'on a du péché. 1. Un prêtre est-il toujours obligé de taire ce qu'il ne connaît que sous le sceau de la confession? Dans les sacrements, les choses extérieures signifient ce qui se passe à l'intérieur. Il en est ainsi dans la pénitence. La confession faite extérieurement au prêtre est le signe de la confession intérieure par laquelle on se soumet à Dieu. Or, si Dieu couvre le péché de celui qui se soumet à lui par la pénitence intérieure, il faut un signe extérieur de ce silence divin. Ce signe, qui entre dans la nature du sacrement de pénitence, c'est le secret de la confession. Le prêtre qui le révélerait, violerait le sacrement lui-même. Le secret de la confession présente d'ailleurs de très grands avantages. Les hommes, attirés par lui, confessent leurs péchés avec plus de simplicité. Note. Le prêtre est censé ignorer ce qu'il sait par la confession, puisqu'il ne le sait nullement comme homme, il doit prendre garde de trahir son pénitent par parole ou par signe. Aucune puissance ne peut lui ordonner ou lui permettre de révéler une confession. Nul n'étant appelé en témoignage autrement que comme homme, il peut, sans blesser sa conscience, jurer qu'il ignore ce qu'il ne sait que comme Dieu. Un supérieur doit laisser impuni et sans remède le péché qu'il ne connaît pas par une autre voie que celle de la confession. Fin de la note. 2. Le sceau de la confession s'étend-il à autre chose qu'à ce qui est de la confession ? Le sceau de la confession ne s'étend directement qu'aux péchés qui font l'objet de la confession sacramentelle, mais, indirectement, il comprend aussi les choses qui serviraient à découvrir le pécheur ou son péché. Le prêtre doit garder sur tout ce qu'il sait un profond silence. 3. Le sceau de la confession n'oblige-t-il que le prêtre ? Oui, à proprement parler. Parce que le prêtre seul est ministre du sacrement de pénitence. Néanmoins, toute personne qui participe d'une certaine manière au pouvoir des clés, soit comme interprète, soit de toute autre façon, est tenue de garder le secret sur ce qu'elle a entendu. 4. Le prêtre peut-il, avec l'autorisation du pénitent, faire connaître à quelqu'un ce qui lui a été confié sous le sceau de la confession? Le pénitent peut faire que le confesseur sache comme homme ce qu'il lui a confessé comme représentant de Dieu, il suffit pour cela qu'il lui donne la permission d'en parler. Le prêtre qui use de cette permission ne rompt pas le sceau de la confession, mais il doit prendre garde que personne ne s'en scandalise et ne soupçonne une violation du sceau. Note. Il dépend du pénitent que le prêtre acquiert la connaissance de son péché par une autre voie que par la confession. La permission qu'il donne fait qu'il n'y a pas rupture du sceau sacramentel. Fin de la note. 5. Peut-on révéler à d'autres ce que l'on sait par la confession, quand on le sait aussi par d'autres voies? Si, par cela seul que l'on a entendu un péché en confession, on perdait le droit d'en parler quand on le connaît par une autre voie, la justice sociale en souffrirait notablement. Il arriverait que des coupables s'enhardiraient dans le crime par la pensée qu'ils n'ont point à redouter un accusateur dans celui qui les aurait entendus en confession. Les prêtres ne sont pas tenus au secret sur ce qu'ils ont appris comme hommes, soit avant, soit après la confession. Ils peuvent très bien dire, par exemple, « j'ai vu cela ». Mais, pour éviter le scandale, ils doivent se taire hors le cas de nécessité. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.